Alors, cette semaine, Léa va nous parler de films de Noël. Ouais. C'est bien ça, Léa. Ah. Et elle se met en tenue. Oui, exactement. Ouais, il y a tout un changement. Scène, ouais. À chaque fois, ouais. C'est un peu de... J'essaie. Il y a du budget dans cette radio. On t'écoute, Léa. Mais t'as raison, ne meuble pas. Il y a pas assez de place dans le studio. D'habitude, vous parlez tous en même temps, et là, il y a plus personne qui nous a dit de nous taire. Mais tu viens de mettre un coup de pression de 2017, je peux dire ça. Non, j'ai une idée pour meubler. Est-ce que vous avez un film de Noël préféré, Floriane? Oui, j'ai trouvé L'étrange Noël de Monsieur Jack. Film de Noël, Halloween, on sait pas trop, on n'a pas trop compris. C'est pour ça qu'on adore. Guilain, un film de Noël préféré? Die Hard. Piège de cristal. J'étais sûre que t'allais dire ça. Arnaud? Le roi et l'oiseau, c'est pas Noël, mais je le regardais toujours à Noël. Oh là là, mais alors lui, son Noël. Non, mais alors lui. Jean-Paul? Joyeux Pâques avec Sophie Marceau. Gilles? Et le Père Noël est une ordure, évidemment. Évidemment. Thibaut, t'as un film de Noël préféré? Ouais, le Père Noël et puis le t-shirt que tu as là. Ah, alors il faut dire à nos auditeurs qui nous voient pas forcément. Voilà. Oh, mais là! J'ai un t-shirt, Maman, j'ai raté l'avion. Effectivement, vous avez donc deviné de quoi je vais vous parler. Mais oui. Est-ce que notre réalisateur vidéo a un film de Noël préféré? C'est quoi ton film de Noël? Utilise mon micro, je t'autorise. Oh là là, vas-y, oh là là là, il arrive. J'hésite entre Le Père Noël est une ordure, dont je suis un grand fan, et également les Die Hard. La quadrilogie, c'est et Joyeux Noël, les girafes, voilà. Ça, c'est fait. J'avais dit que je le placerais. Alors, je vais vous faire une critique de film de Noël un peu particulière, parce que je vais vous faire un top 5, mon propre top 5 des films de Noël. On va évidemment commencer par la fin. Donc, le cinquième film de Noël dans mon cœur, je sais qu'il est vraiment assez mal aimé, c'est La Course aux Jouets. C'est un film génial. C'est vrai. Ah bah écoutez, tant mieux, parce que c'est la première fois de ma vie que j'entends ça. Bon, en même temps, j'ai fait une école de cinéma, c'est peut-être pour ça. Alors, La Course aux Jouets, c'est un film familial avec Schwarzenegger qui démarre, on va pas se mentir, un petit peu plan-plan, mais qui se transforme vite en action movie de super-héros. Bref, une aventure bourrée de magie de Noël qui envoie du lourd. C'est très américain, très manichéen, commercial au plus haut point. Bref, on adore le film de Noël par excellence, qui a toute sa place du coup dans ce classement. Ensuite, en quatrième position, on retrouve le fameux Robert Zemeckis, Le Pôle Express. Donc, c'est un film totalement novateur techniquement, puisqu'il introduit la méthode de la performance capture qui sera réutilisée par Zemeckis dans de nombreux films et exploitée à son apogée par James Cameron dans Avatar. Ce film, donc Le Pôle Express, est avec un excellent acteur dans à peu près tous les rôles, puisqu'il s'agit de Tom Hanks. Le Pôle Express est une fable envoûtante qui nous transporte dans un voyage au-delà même de notre imagination. Donc, je vous le conseille vivement. En troisième position, et vous allez être surpris qu'il ne soit pas en deuxième ou première, Love Actually, parce que c'est la comédie romantique à son paroxysme, mais ça veut dire qu'il y en a deux meilleures. Donc Love Actually, c'est réalisé par le maître de la comédie romantique, Richard Curtis. Le film peut se vanter de nous faire aimer tout le monde, n'importe quoi, et on tombe même amoureux de l'amour après ce film. C'est magnifique, c'est sublime, c'est l'amour sous toutes ses formes, l'amour sous la forme de l'amitié même, une BO envoûtante, une pléiade d'acteurs british tout aussi charismatiques les uns que les autres, que des scènes cultes, je pense bien sûr à celle de la déclaration d'amour avec les panneaux, mais pas que. On adore aussi la scène de danse de Hugh Grant et son discours face au président de la République, enfin des États-Unis. Voilà, plein d'autres scènes de pépites romantiques. Love Actually. Deuxième film de Noël dans mon top 5. Miracle sur la 34e rue. Donc c'est écrit et produit par le génie de la comédie, le regretté John Hughes. D'après un film de 1948, ce conte absolument sublime et féerique célèbre la vie et nous insuffle de l'espoir, aussi bien pour les petits que pour les grands. Alors c'est à la fois dramatique, c'est-à-dire que c'est le procès du Père Noël. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est vraiment sublime ce film. Ouais, c'est le procès, c'est produit par Spielberg. C'est le procès du Père Noël, donc c'est à la fois dramatique d'en arriver là, de faire un procès au Père Noël, mais c'est tellement beau de nous faire réussir à y croire vraiment. Donc voilà, un film où rien n'est raté, rien n'est en trop, tout n'est que beauté, tendresse et espoir. Miracle sur la 34e rue. Et en premier, vous avez vu mon t-shirt. Ouais. J'ai le même pyjama. Pardon. On a le droit d'être content. C'est Noël. Donc mon top 1, c'est Maman, j'ai raté l'avion et sa suite qui sont sur le même niveau pour moi. Maman, j'ai encore raté l'avion. Aussi écrit et produit par le génie John Hughes, réalisé par Chris Columbus, qui a cette capacité folle à mettre de la magie et à nous mettre des étoiles dans les yeux. Il y a cette petite folie dans ce film, destinée à la fois pour les enfants et les grands-enfants. Cette folie quand Kevin McAllister pète un plomb, veut faire disparaître toute sa famille. Cette folie même dans cette simple phrase, plus tard je serai grand et je serai marié et je vivrai tout seul. Mec, ça ne veut rien dire, c'est génial. Cette folie même dans le duo des bandits, le vieux mafieux et le juif idiot qui débordent d'idées les plus stupides les unes que les autres. On adore Harry, on adore Marvin. Joyeux Noël Harry, joyeux Hanouka Marvin. Et bien sûr, sans oublier le petit moment doux du film, celui où Kevin se rend compte que le méchant n'est pas méchant, que c'est juste un monsieur très très triste. C'est merveilleux, ce genre de film me rend vraiment heureuse. Malheureusement, c'est vraiment le seul film dans son genre. Il n'y en a absolument aucun autre. Voilà, c'était mon top 5. Je vous souhaite un joyeux Noël et une très bonne année. On adore. Merci Marvin. Par contre, juste la femme au pigeon dans le 2, elle est gentille, mais elle fait très très peur. Elle est flippante. Parce que le mec à la pelle, il fait pas peur. Non, le mec à la pelle, c'est un copain. Ouais. Cette dame, elle a quand même des pigeons qui lui chutent sur l'épaule. Quoi. Florian n'a pas la phobie des pelles. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que Florian a la phobie des oiseaux. Ouais. Oui. Et c'est pour ça dans le 3, c'est une folle au poisson rouge. Pour Jean-Paul. Je serai pas là.